Point. Le textile et la littérature, beaucoup de similitudes. À commencer par cette racine latine, textum. On peut la traduire par assemblage. Un texte, c'est une étoffe de phrases entrelacées entre elles. Il peut s'agir d'un récit, d'un discours ou bien d'un essai. Si on veut en saisir le sens, il est préférable de ne pas en perdre le fil, surtout si l'auteur a tendance à trop broder. Cela même peut devenir un tissu de mensonges. Les métaphores abondent. Les écrivains eux-mêmes comparent parfois leur production à celle du textile. Michel de Montaigne s'excuse que les coutures de ses essais soient trop voyantes. Marcel Proust fabrique à la recherche du temps perdu comme une cathédrale ou bien comme une robe composée de pièces patiemment imbriquées. Aux dentelles de pierre, Louis-Ferdinand Céline préfère, pour parler de son style, la dentelle à l'aiguille. Il sait de quoi il parle. Ma mère était réparatrice de dentelles anciennes, passage Choiseul. Il ne faut pas que le temps compte, il ne faut pas que l'argent compte. On ne fait plus dans la dentelle, personne ne veut plus, ça ne paye pas. Le roman ne paye pas non plus, les gens ne sont pas faits pour. Pourquoi faire référence à la dentelle? Les êtres humains ont très tôt décoré leurs vêtements. Cet art de l'embellissement s'est perfectionné au cours des millénaires, aboutissant aux riches broderies de la Renaissance et des siècles qui ont suivi. Le tissu s'orne ainsi de rosaces, de fleurs, d'animaux, de rinceaux. Leur contour, rehaussé à l'aide d'un fil et d'une aiguille, donne du relief au tissu. Qui a eu pour la première fois l'idée de découper dans le tissu des vides autour des motifs brodés? On ne le saura jamais. Cela permet d'accentuer leur relief. Il se détache encore plus nettement de la trame. On lui donne le nom de broderie à jour. Peu à peu, ces jours deviennent de plus en plus nombreux. Afin que l'ensemble de l'ouvrage garde sa solidité, on relie chaque motif par des barrettes, des brides. Le tissu, qui constituait jusqu'alors le fond, disparaît complètement. Il est remplacé par un fond en réseau, dont les mailles hexagonales assurent la bonne tenue générale de l'ouvrage. La dentelle est née. Elle a gardé de sa parenté avec la broderie le terme de brode, une des étapes de l'exécution du point de France. Broderies et dentelles ont d'autres similitudes. La transition de l'une à l'autre est parfois à peine perceptible. Mais la disparition de la trame du tissu marque nettement le passage de l'une à l'autre. En littérature également, les auteurs aiment donner du relief à leur récit. Dans ce but, ils utilisent de nombreuses figures de style, métaphores, métonymies, assonances, etc. Il s'agit principalement alors de transmettre une émotion, d'insuffler la vie dans une succession de faits qui, sans cela, resterait plate et monotone. Mais pour Louis-Ferdinand Céline, ils ne vont pas assez loin. Ils ne vont pas directement dans le sujet, ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des prologues. Mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas, à l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Et c'est là qu'intervient le langage parlé. On ne parle pas comme on écrit. Ça ne s'articule pas de la même manière. Ça demande à se dire. La parole cherche son chemin. Elle hésite. Les émotions s'en mêlent. Ce n'est pas rectiligne. Ça s'improvise comme dans le jazz. Les phrases font des boucles là où le sens et le son s'entrelacent. C'est le point le plus important, l'instant suspendu où ça se formule, interrompu, bouclé, juste avant que ça se fige, que ça fasse dans les cris. C'est là que réside l'émotion, le rendu émotif, aussi délicat que le rempli d'une dentelle à l'aiguille. Céline expérimente cela. Il coupe. Il fait des trous autour du motif. Il finit même par presque retirer la trame du récit. Ça demande un temps fou, comme la confection d'une dentelle. Plus personne ne pourrait s'en offrir aujourd'hui. On ne fait plus dans la dentelle. Personne ne veut plus, ça ne paye pas. Le roman ne paye pas non plus. En parsemant ces romans de points de suspension, Céline rend indirectement hommage au point de dentelle qu'utilisait sa mère. Ce sont autant de brides qui relient entre elles les fragiles motifs émotifs du vivant. Sous Colbert, on connaissait le point de France. Demain, on parlera du point Céline. Gilles Roqueton, bonheurdujour.net.